Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 22 aux questions posées par le correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée à propos du lancement d'un satellite espion livré par le Japon en vue de renforcer la surveillance sur notre pays. Voici la réponse. Le 17 courant, le Japon a lancé la fusée du modèle H2A portant un satellite au centre cosmique de Tanegashima de la préfecture de Kagoshima. Les autorités japonaises ont publié que le satellite a pour but de recueillir des informations sur le lancement des engins balistiques coréens pour ainsi révéler soi-même la nature du satellite. La gravité du problème réside au fait que le lancement japonais coïncide avec les manœuvres militaires conjointes Kirishov et Aigle, simulacres de guerre nucléaire d'envergure sans précédent, ayant pour l'objectif notre République, livrée dans la péninsule coréenne par les États-Unis et les autorités sud-coréennes. Le récent lancement de satellites effectué ouvertement dans l'état où règne le spectre du militarisme est un nouveau produit de la politique de militarisation délibérée japonaise et la manifestation nette de l'ambition de réagression contre la Corée. Ce qui est intolérable, c'est que le Conseil de sécurité de l'ONU, qui a fabriqué les résolutions illégales pour empêcher l'exercice du droit d'autodéfense de notre pays face à la menace et le chantage nucléaire des États-Unis et le lancement du satellite Pacifique, ne prête pas son attention au lancement du satellite espion japonais et reste muet. On ne peut justifier en aucun cas le banditisme selon lequel les alliés des États-Unis peuvent exploiter des missiles ou lancer des satellites espions sans aucun problème, mais le pays hostile aux États-Unis doit être soumis à l'atteinte jusqu'à son droit au lancement du satellite Pacifique et légitime reconnu de par le droit international. C'est pourquoi nous avons proposé d'expliquer les raisons juridiques des résolutions de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU et d'organiser un forum des spécialistes du droit d'ordre international pour y parvenir. Mais le secrétariat de l'ONU garde toujours le silence. Nous continuerons à exercer le droit d'exploitation de l'espace cosmique pacifique sans aucun égard aux autres pays et prendrons résolument des mesures pour faire face à la militarisation du Japon et à son ambition de réagression.